À Solange-Clésinger, Nohant, 16 juin 1858. Quant à toi, mauvaise tête, je crois sans peine que tu as des succès de chic et d'originalité, et qu'en ne faisant pas trop de gambades au bord des précipices, tu pourrais, à Turin, et encore mieux à Florence, où la tolérance est l'âme de la société, nonobstant les cancans, te faire une petite cour comme tu les aimes. Mais je crains pour toi ces brusques fantaisies qui, je crois, renversent de temps en temps tes édifices, quelque bien construits qu'ils soient, selon toi. Je ne sais rien de ta véritable vie et ne veux rien savoir, puisque tes explications aboutissent toujours pour moi à une désapprobation dont tu te fâches et que tu as l'air de ne pas comprendre. Je croyais m'être 10 fois bien expliqué sur ce que je crois permis dans ta situation, et non permis, dans quelque situation que ce soit. Mais comme je ne veux pas savoir ce qu'on peut dire, et que tu me dis ce que tu veux, quelquefois avec trop d'esprit pour que je comprenne, je suis forcée de m'abstenir de juger. Le jour où tu serais réellement explicite, je te donnerai peut-être une bonne clé pour sortir d'un labyrinthe où tu te fatigues à chercher. Mais cette clé, voudrais-tu la prendre? Ce n'est pas sûr. Ce que je vois, c'est que le milieu que tu t'étais choisi à Paris, et dont tu parlais avec beaucoup de satisfaction et de fierté, t'a ennuyé ou manqué tout à coup un beau matin, puisque tu as transporté ailleurs tes projets et tes chiffons. Pour ta santé, j'en suis contente. Pour l'avenir, je ne sais qu'en dire. Un milieu nouveau est très bon quand on sait profiter de l'expérience acquise dans celui que l'on quitte. Mais nous avons 2 points de vue si différents que tu m'as donné auprès de toi dès le commencement de ta vie. Le rôle de l'impuissance, la responsabilité sans l'autorité. Situation impossible. Tu ne veux pas de ce qui fait tout accepter et tout supporter. Les satisfactions du cœur ou les déceptions du cœur, n'importe. Mais enfin, le rôle du cœur à tout prix, sans l'accompagnement des fanfreluches, des fusées et des fumées. Toi, tu t'es fait je ne sais quel idéal de toutes sortes de sauces de haut goût au milieu desquelles je vois des truffes, des piments, des dragées, de la glace, du feu. Et rien à manger pour se nourrir et digérer comme tout le monde. Et pourtant tu as du cœur, du dévouement et de la charité, et même beaucoup plus que la plupart des femmes. Mais le beau Paris de Troyes, aux cheveux frisés, passe, et te voilà parti pour le pays des flûtes, des rubans et des grelots, affichant des airs de Don Juan femelle, et disant avec de grands éclats de rire « Mon Dieu, que j'étais bête hier, d'être bonne et raisonnable !» Pourquoi tout cela ? Je l'ai dit souvent. Je l'ai mise au monde. Je l'ai nourrie, fouettée, adorée, gâtée, grondée, punie, pardonnée. Et avec tout cela, je ne la connais pas du tout, ne pouvant jamais deviner ni comprendre pourquoi elle fait ou veut faire telle ou telle chose qui, pour moi, n'a pas sa raison d'être. Je ne suis pas si rigide que Georges en fait de littérature. J'adore voiture, c'est une vieille passion, un fadas si on le juge comme un contemporain, mais le plus curieux et le plus charmant dise de rein que j'aie jamais connu. Mérimée est un maître, Ronsard un divin poète, et About un talent charmant que l'avenir augmentera ou détruira selon la vie qu'il mènera. Voilà comment je pense. Et si tu avais de ces 4 esprits le moindre à ton service pour la forme et le savoir-faire, ce qu'on appelle le métier, je te dirais « écris vite et publie ». Je crois Georges trop difficile et trop exclusif. Mais je doute que d'emblée tu fasses un roman comme Tola, qui certes est une bonne chose. Ce n'est pas une raison pour essayer n'importe quoi. Envoie-moi ton élucubration, et comme je suis assez au courant pour le moment de ce qui plaît, Je te dirai franchement s'il faut la publier. Quant au vers, je ne serai pas bien compétente, et Georges, qui en fait de très beaux, pourrait mieux te conseiller. Mais si tu te rebutes quand on te dit qu'une chose n'est pas réussie, tu ne feras jamais rien. Il faut, au contraire, que le blâme te stimule et te donne envie de mieux faire. Je crois qu'en voulant faire parler un voyageur amoureux, tu débutes par une très grande difficulté. L'amour d'un homme, dit par une femme, surtout à brûle-pourpoint dans une lettre, c'est un tour de force et ne peut passer qu'avec une habileté consommée. Envoie-moi ça quand même, et si tu me parais avoir échoué, en effet, tu prendras ton sujet plus terre à terre. Il est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose à sauver dans tout cela. Ta dame qui réclame son amant me paraît bonne à mettre aux petites maisons. Et le mari qui a laissé, avec ou sans corne, compromettre sa femme en France au point qu'elle l'a été, est un idiot, ou un misérable, dans lequel tu feras bien de ne pas marcher du tout. J'ai dû la voir, elle, chez Madame Dumas, à Paris. J'ai fait faux bond à l'exprès, à cause de ce qu'on disait, bien que je fusse curieuse de voir ce miracle de la nature. Est-elle aussi belle qu'on le dit ? Mais si tu ne brodes pas l'histoire que tu me racontes, elle n'est pas à moitié extravagante. Ta réponse est salée, mais t'en feras une ennemie ainsi que le de Signori. N'aurais-tu pas mieux fait de hausser les épaules ? Ça en dit tout autant. Je te bige, et je vas me coucher. Je n'ai pas besoin de consulter Manceau et le père Hollard, qui dorment probablement à l'heure qu'il est du sommeil des anges, pour te dire leurs plus belles amitiés. 3 heures du matin, 16 juin. Émile Aucante t'a-t-il écrit que tu aurais à toucher ta pension chez lui, probablement le mois prochain et les suivants ? Il prend mes affaires de chez Balmont. Je ne sais si c'est terminé. Envoie toujours chez Balmont comme si de rien n'était. Et si Balmont dit non, envoie ton reçu chez Émile, rue Notre-Dame-de-Lorette, 7, Agence Générale.